Quel bail! Wesh, la détaille! Ouais, quand même, c'est comment? Je suis dans le même. 57. Qu'est-ce que c'est? Trouve-moi la vida. Explique-toi avec une. Et dire que j'ai vu ce qu'il faut, j'étais à deux autres, prends des années fermes, mais maintenant elle veut se baiser avec moi. Sans demander mon avis. Pas du tout les mêmes rues qu'avant, avant c'était la merde, si tu savais. J'suis à Phuket, au bord de la plage, elle masse le dos, elle masse les pieds. J'ai la Rolex, le noir piqué, sur mon bras droit, sur mon bras gauche. J'suis tout en Nike, pas d'habit gris, par de TM, voiture de luxe. J'suis au volant de la RR, j'ai des étoiles au-dessus de ma tête. Et rien n'a changé, j'suis dans le bendo, j'suis crade, rempli de crachat et de mégots. J'suis dans le caca tout blanc, tout neuf, père neuf, j'fais même sauter sur mon chapeau. J'suis dans le truc, sa mère la pute, j'ai plus rentré qu'un gros 6 de stick. Comme j'suis pété, j'suis obligé de ce qu'il met dans le kick. On va à l'arrêt du 7, si tu crois de la paix. Détail 7 jours sur 7, dis-nous ce qu'on a pas fait. Nickel et PDG, vive l'argent du rapé. Nickel et PDG, nickel et PDG. Moi c'est ce que je te raconte, en vrai si tu fais dans ces clicons. C'est pas tout beau tout rose, j'ai pris beaucoup de chutes, j'ai beaucoup de bonnes. Faut pas que tu fasses la pute, qui t'en prend des coups, faut que tu prends dans le tas. T'es fini les fois qu'on me levait tôt, et dans mon gars moi j'peux enlever le toit. J'ai le syndrome de gire de la tourette. J'suis capuché devant la tirette. Méchant. Elle a pas ses règles, la bouillarde direct. J'éteins la teub à sa mère, j'suis trop méchant. J'sais même plus combien j'ai pu mettre. Les dames ne jouent pas au con, t'as dit je sais comment l'abréger. Les 15 me voient, ne montent plus le ton, j'ai 30 fois le salaire de l'OPJ. La beuh est bonne, les prix sont bons, j'ai 2-3 contacts vers la Belgique. Allô, Digo, c'est quoi le boulot? Putain, faire du sale, j'suis encore obligé. L'argent ça ne s'attend pas, les négros se flinguent comme à Atlanta. J'ai de la frappe de ouf, celle de Franck Lampard. C'est des balles de 12 qui sont sur l'impact. Coba, bouge tes lots, pendant que j'rentre mon Glock dans le froc. Oh putain, là j'suis mort. Je crois que j'ai mis ma pute en club. On va à l'arrêt du 7, si tu causes de la paix. Détail 7 jours sur 7, dis-nous ce qu'on a pas fait. Nickel et PDG, vive l'argent du rapé. Nickel et PDG, nickel et PDG. Moi j'ai ce que je te raconte, en vrai si tu fais ton sec t'es con. C'est pas tout beau tout rose, j'ai pris beaucoup de chutes, comme j'ai beaucoup de bonnes. Faut pas que tu fasses la pute, qui t'a prendre des coups, faut qu'ils font dans le tas. Moi j'ai ce que je te raconte, en vrai si tu pètes, c'est que t'es con.